septembre, nous installons en décembre. Ixina.be, c'est bien pensé. La première. Bon samedi à tous, il est 11h. Les infos, Pierre-Yves Meugens. Bonjour à tous. Un mineur a eu recours à l'euthanasie cette semaine en Belgique. C'est une première depuis la loi adoptée en 2014. La Belgique est le seul pays au monde qui autorise sans limite d'âge des mineurs à recourir à l'euthanasie. Ils doivent être en capacité discernement et atteints d'une maladie incurable. La loi belge n'impose pas de limite, contrairement aux Pays-Bas par exemple, qui a fixé le seuil à 12 ans. Le président de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie insiste, ce cas de figure reste exceptionnel et réservé aux cas désespérés. L'âge du mineur n'a pas été précisé, il souffrait d'une maladie en phase terminale. Rentrée politique wallonne sous le signe de l'inquiétude, c'est une tradition chaque troisième samedi de septembre. Les discours de rentrée politique cet après-midi, les présidents des parlements et gouvernements y annoncent les priorités retenues par la majorité pour la session législative qui commence. C'est aussi l'occasion de revenir sur certaines questions d'actualité et cette année un sujet sera nécessairement sur toutes les lèvres, Caterpillar. Pour le reste, la fête, comme chaque année, du péquet, du folklore et des concerts. Voilà ce qui vous attend aujourd'hui aux fêtes de Wallonie. Des animations ont lieu un peu partout, à Liège, Namur, la Louvière ou encore Mons. Dans deux heures, les Walloniades commencent dans la capitale wallonne. C'est joutes sportives et folkloriques, ce sera sur la place Saint-Aubin. Bras de fer entre les gens du voyage et Yvan Mayer à Neder-Overhembeek, en région bruxelloise. Une quarantaine de caravanes se sont installées sans préavis, en pleine heure de pointe hier. Le bourgmestre Yvan Mayer est en colère, colère d'être systématiquement mis sur le fait accompli. Le camp est composé de membres de la même famille que celle arrivée en mai dernier au même endroit. À l'époque, les gens du voyage débarquaient à Bruxelles suite à l'hospitalisation d'un proche dans la capitale. Selon Yvan Mayer, ce camp serait évacué aujourd'hui en principe car ses occupants ne peuvent pas rester à cet endroit. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Belle journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Et je vais vous laisser avec Safi Moon, ça sent le saucisson dans votre studio aujourd'hui, ça sent très très bon. Et pas que, oh là là, on va manger de bonne charcuterie avec un boucher formidable, Pierre-Yves, un homme qui tente de réhabiliter les éleveurs, passionnés, les races de qualité. En gros, on va en manger de la bonne bidoche, mais que de la bonne. Et vous voilà. M'en laissez pour le journal de midi. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Tout cela jusqu'à midi. La première. Maman, depuis son emménagement en maison de repos, beaucoup de choses ont changé. Toujours attendre, c'est vrai qu'on la voit trop peu. Stéphanie, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais enfin maman, on devait aller prendre un café ensemble. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Oh, je suis désolée, ma chérie, ça m'a complètement échappé. J'étais fort occupée, le bridge s'est prolongé. Nous cherchons tous le bonheur à tout âge. C'est pourquoi Harmonéa est toujours proche de vous, avec une solution de logement qui correspond à vos besoins et vos envies. Maison de repos, service flat ou résidence service? Ensemble, nous en ferons votre nouveau foyer. Nous vous informons sans engagement au 0800 93 430 ou sur harmonéa.be. Harmonéa, le bonheur à tout âge. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin espagnol Faustino Reserva 2010 ou 2011 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaïsa, partenaire naturel de Cap 48. Éternité. L'amour n'est jamais donné. Entre joie, amour et désespoir, une magnifique fresque familiale à travers le XXe siècle. Avec Audrey Tautou, Bérénice Bégeau, Mélanie Laurent et Jérémy Régnier. Éternité. Un film coproduit par la RTBF, actuellement au cinéma. La première, 11h midi, le samedi, bientôt à table, avec Sophie Mouns. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver fidèle au poste, bientôt à table tous les samedis, c'est de la gourmandise, un autre regard sur l'alimentation, des recettes à profusion, et surtout une certaine idée que le bonheur est à table. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. Le bonheur est à table. Vous êtes poète aujourd'hui. Oui. Je suis poète. Voilà. C'est sans doute le boudin de Perroé qui me met en état. Écoutez, moi ça me fait un peu la même chose. Carlo, au programme du jour, rencontre avec un boucher formidable. Vous avez testé, vous avez approuvé. À l'heure où la viande a mauvaise presse, bah oui, entre les cancers qu'elle favoriserait, les symptômes de dépression qu'elle augmenterait de 20%, j'en ai parlé cette semaine dans Matin Première, eh bien, ils sont nombreux, ces bouchers, à refaire le métier, à le revisiter, à remettre des viandes de qualité sur le devant de l'assiette. Notre invité en est un merveilleux exemple. Je vous laisse nous le présenter, Carlo. Alors, il s'appelle Thierry De Peut et il est aux manettes de la boucherie Côte à l'Os et on est à Perrué dans le Hainaut. Voilà, bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Vous êtes venu avec quelques spécialité locale, mais pas que. Votre credo, réhabiliter la viande de très grande qualité. Le reste, on oublie. Une autre vision de métier dont vous nous ferez partager tout ça jusqu'au midi. L'AFSCA, Carlo, l'agence de sécurité alimentaire, appelée aussi l'agence Tout Risque Zéro, 17 ans après la crise de la dioxine, cette agence n'a jamais été autant critiquée. À tort ou à raison, nous retrouverons tout à l'heure le journaliste Olivier Bailly qui a enquêté. Et puis nous parlerons aussi de la vague détox, une vague alimentaire qui énerve, mais qui vous énerve au possible. Vous allez nous le dire dans quelques instants. Mais d'ici là, l'intox du cerveau. Envoyez-nous vos questions, vos réactions via le site lapremière.be ou via notre page Facebook Bientôt à Table, La Première RTBF. Bientôt à Table sur La Première. La détox, ça l'énerve, Carlo. Ouais, et vous êtes fendu ce matin dès l'aube d'un petit billet. On sent que vous êtes en forme. Mais oui, vous savez, mais malgré tout, c'est dur de ramer à contre-courant, de tenter de dire le contraire de la mode, de ramer contre les tendances, d'autant plus que maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont devenus le meilleur média du monde. Et tout le monde sait que tout est vrai sur les réseaux sociaux. La pyramide de la vérité est ainsi formée. D'abord Facebook, puis Sud Presse, ensuite la DH, et enfin les médias traditionnels qui mentent, évidemment, c'est connu. Le mot le plus fréquent, l'occurrence la plus fréquente en matière de culinaire en 2016, c'est le mot détox, jus détox, eau détox, cure détox, stage détox, croisière détox, stage d'aquagym détox, stage de poney détox, stage de kamasutra détox. Ça, je veux encore bien une fois faire. Le détox est partout. Alors, et c'est qui nous impose le mot? Parce que moi, j'en ai après le mot. Hein, c'est ceux qui, en général, nous vendent des jus, des cures, des stages détox. Et nous cher promettent... en plus. Mais oui. Cher, évidemment. Oui. Et ils nous promettent quoi, en général? Ils nous promettent d'éliminer les toxines de notre organisme. Et ils nous disent que nos émonctoires vont fonctionner à plein régime. Les émonctoires, déjà le mot, on a envie de gerber. T'as déjà entendu un médecin, un vrai médecin, qui parle des émonctoires? Non. C'est réservé aux naturo-sociopathes, ce mot. Les autres, les médecins, ils disent les foies, les reins, les intestins. Et dans notre organisme, Sophie, vous, moi, on a donc des reins, un foie, une transpiration et des boyaux qui font rien que ça d'éliminer les toxines. Mm-hmm. Pas besoin de se mettre un patch sur les pieds pour aspirer nos toxines. Je vous jure que ça existe, hein, le patch pour les pieds. C'est aussi inutile que le filtre à paix dans le slip. Et oh, ça existe, je vous promets, on l'a testé, on n'est pas des pigeons. Oui, mais vous basez sur des études scientifiques pour dire bien ça. Sûr que, oui, bien sûr que oui. Il y a quoi dans les cures détox? Et là, je vais vous épater, Sophie. Car que ce soit les détoxicateurs qui ne jurent que par les jus ou par le cru, ceux qui en plus veulent que ce soit vegan contre celle qui te dit non, non, non, pas vegan, les vegans ils sont gros, ils pètent, tu dois manger du poisson râpeur, de la viande à tous les repas, mais pas du lait et pas de gluten. Bref, on ne sait plus. Malgré tout ça, je vais vous le dire, ce que ces gens proposent, les détoxicateurs, ce qu'ils nous proposent dans toutes leurs différences, eh bien moi je trouve ça bon. C'est bon pour le corps, c'est même bon aussi souvent au goût. Oui, c'est bon. Moi, j'adore ça, les coulis. Mais c'est vrai, hein, je mens pas, je fais pas des blagues. Hein. Les coulis de noix de cajou, les tartinades d'avocat, le quinoa, la mizuna, les lentilles, les aubergines, les coulis de fruits, les galettes de millet. Zut, je sais plus s'il y a du gluten dans le millet maintenant. Les jus de légumes frais, que ce soit en pack détox ou en jus vendu au prix du Bourgogne, eh bien, c'est bon. J'aime les haricots, les hamburgers de lentilles, les salades de pois chiches, le curcuma, le gingembre, j'adore ça. Et pour peu que t'as fait un peu trop d'excès avant et que tu picoles trop et que tu manges trop de gras, d'habitude, eh bien quand tu manges ce genre de choses, tu vas te sentir léger. Non, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est de la bonne bouffe, mais elle vous détoxe en rien. Les poisons de notre existence, c'est le tabac, l'alcool, les pesticides, les métaux lourds, et tu peux boire autant de sève de bouleau que tu veux, ça va rien changer, encore moins si tu fais ça 3 jours tous les 6 mois, et les jus à l'extracteur n'y changeront rien non plus. J'ai même pas envie d'en vouloir à tous ceux qui emploient le mot détox pour vendre leur jus à l'eau osmosée. Je leur en veux même pas, même s'il y aurait à dire sur les allégations santé. Mais une allégation sur quelque chose qui n'existe pas, on a envie de dire. Mais c'est les consommateurs, comme d'habitude. Réveillez-vous. Ne glissez pas comme des moutons mal étourdis vers l'orthorexie alimentaire purificatrice. Moi, ce que je combats, c'est cette notion de pureté, de jeunesse éternelle à 3 jours par mois, qui est parfaitement ridicule. C'est même pas scandaleux. Vous voulez des arguments plus sérieux que les miens ? Lisez les chroniques sur internet du pharmacien, un pharmacien québécois absolument inénarrable, ou les petits liens que Sophie va poster sur notre page. Alors, amis de la détox, continuez à raconter des conneries. En attendant, on va vous piquer... On va se faire des amis. Mais non, parce qu'on aime leurs recettes. Moi, j'aime ça. On va vous piquer vos recettes. Ce qui vous énerve, c'est qu'on appelle ça détox et qu'on nous vende ça... Qu'on nous vende la jeunesse éternelle à un prix dingue. En attendant, il y a quand même beaucoup d'adeptes. C'est ce que je disais, c'est dur de ramer contre les tendances. On va se faire des jus de légumes, pas trop de fruits, parce que les fruits, c'est trop, il y a beaucoup de sucre. On va faire ça à votre santé. On va oublier vos mensonges. Et ça dépend de la sous-religion à laquelle vous appartenez. Les mensonges, ça concerne au choix la viande, le poisson, le gluten, le lait, l'eau, le jeûne. Et on va continuer à manger modérément de tout. On va manger, certes, plus de légumes que de protéines animales. On va mâcher avec nos dents. On va marcher, d'accord, mais en faisant un casse-croûte à midi, au lieu de faire vos promenades jeûnantes où on finit par voir des éléphants roses. On va boire un coup de gamay sans soufre. Oui, c'est ça. Ce qu'on va combattre, c'est les obsessions purificatrices, rédemptoires et culpabilisantes. Et on va les combattre, nous aussi, jusqu'à l'obsession. Bon, naturo-sociopathe qui nous écoutait, on vous aime quand même. C'était une blague. Mais on aime vos recettes, on aime ce que vous mangez. On est d'accord. Je sens qu'on va avoir une flopée de mails dans quelques instants. Mais pas du tout. Mais voilà, c'est aussi notre rôle que d'ouvrir, de vous faire ouvrir peut-être mais les il faut yeux. Des no... Parce qu'en fait, le truc, c'est que, effectivement, on a l'affaire à des produits sains et qu'on se dit, ça peut pas nous faire de mal. Mais bien sûr. Où vous combattez le truc, c'est d'en faire un marketing, C'est qu'on nous vende du rêve. Voilà. C'est-à-dire un rêve qui n'est pas vrai. Et je vous propose, et ça, les liens qu'on va vous poster le disent beaucoup mieux que moi. La communauté scientifique est unanime dans ce sens. C'est que détoxifier, c'est autre chose. Mais ça ne nous fait pas de mal. Bien sûr que non. Donc, voilà. Au contraire. Ce n'est surtout pas utile si on ne sait à la base pas intoxiquer. Exactement. Voilà, c'était la parole d'un boucher clairvoyant. 11h13, un peu de musique, bad, bad, not good. C'est bon pour la détox, ça, bad, bad, not good. Il faut se détoxifier l'esprit. Et tout est bon, la musique surtout. Après. 11h16, nous mangeons du boudin, du Lucullus. C'est détox, ça, Carlo? Mais, oui. Le Lucullus, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Le Lucullus de Valenciennes que nous a apporté notre boucher du jour, Thierry De Peut. Vous sévissez à Pérouet, on est en province du Hainaut. L'enseigne s'appelle Côte à l'Os, une adresse désormais bien connue des viandards de la région. Et pas que, je sais que même des Bruxellois font la trotte jusque chez vous pour venir trouver de magnifiques charcuteries, de très belles viandes. Alors Thierry, je vous ai fait venir parce que vous savez que dans cette émission, on n'est pas les tenants d'une consommation carnée effrénée. De moins en moins, d'ailleurs. Oui. L'idée de cette émission, c'est de vous dire, bon, de la viande, on peut très largement s'en passer. On en a régulièrement fait la démonstration. Mais on peut aussi en manger moins, mais de meilleure qualité. Ça, c'est notre postulat de départ. Et je vous ai trouvé sur mon chemin, grâce à un blog que vous animez régulièrement, avec des réflexions sur le métier de la boucherie aujourd'hui en 2016. La boucherie aujourd'hui en 2016, elle évolue doucement, sûrement, Thierry De Peut? Mais je ne sais pas si elle évolue, mais elle a plutôt intérêt à se révolutionner très très vite, parce que les choses changent vite, les consommateurs évoluent aussi, sont de mieux en mieux informés. Elle doit se réinventer? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que depuis au moins 40 ans, la boucherie a stagné, si pas régressé, et malheureusement la boucherie de quartier avec, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Elles ont disparu surtout. Elles ont disparu. En France, elles ont déjà disparu depuis au moins 10 ans, si pas déjà aussi 20. En Belgique, on est en train d'en perdre, je crois que c'est à peu près 10% par an. C'est ça. Et ça s'accélère. En tout cas, nous, dans les rues de la capitale, on voit vraiment les bouchers ont disparu. Mais vous m'avez expliqué tout à l'heure, hors antenne, c'est parce qu'elle n'a pas su se réinventer, que finalement l'offre grande surface ou l'offre boucherie était un peu la même dans notre pays, souvent. Mais je ne vais pas me faire de copains encore une fois. Qu'on a les naturo-sociopathes sur le dos ce matin. Moi j'aime bien dire ce que je pense, soit. Oui. Les bouchers ont été fainéants pendant 20 ans. Ils ont choisi la facilité. Parce que la grande surface est arrivée, les petits bouchers de village ont commencé, ou de quartier, ont commencé à vendre un petit peu moins. Et quand ils n'ont plus assez pour acheter des carcasses entières de bœuf, on va dire, principalement, parce que le cochon, ça pose un peu moins de problèmes, ils ont choisi de s'adresser à un grossiste qui découpait pour eux. Et là, on a tout perdu le jour où on a commencé à faire ça, parce que du coup, traçabilité, je ne vais pas dire zéro, après on a inventé les étiquetages, etc. On est retourné en arrière parce qu'on s'est dit, là on va trop loin. Donc on a inventé la traçabilité après, mais le boucher qui a continué comme nous à acheter son bétail en ferme, on n'a pas besoin, nous, de la traçabilité quelque part. Maintenant, on nous l'impose, on marque le numéro pour faire bien. Certains bouchers ont choisi le chemin de la facilité, notamment aussi des races. La blanc-bleu-belge qui, pendant des décennies, a sévi dans toutes les assiettes, dans toutes les boucheries. Pourquoi cette viande, elle a eu tant de succès? D'abord, peu grasse, et c'est ce que le consommateur demandait, mais pour le boucher, c'était quoi son intérêt? Mais c'est pas tout le blanc-bleu-belge, c'est là toute l'erreur que font, désolé, mais les médias, souvent, parce que ça vient quand même souvent des médias. Aidez-nous. Il y a du bon blanc-bleu-belge, il y a de l'excellent blanc-bleu-belge, qui est bien élevé, qui sort, qui va en pâture, qui a de la bonne nourriture produite sur la ferme, qui ne mange pas de maïs, qui n'a pas d'ensilage, et où les bêtes ont 4 ans, et où elles font 2 veaux. Il y a des éleveurs qui font du blanc-bleu-belge, mais magnifique, et c'est pas toujours du taurillon de 2 ans. Qui, par exemple? Ben là, on travaille depuis un an, enfin plus d'un an quand même déjà, avec la ferme Bruno à Pipé, qui produit, qui fait du laitier aussi, et qui ont une boutique à la ferme avec des produits laitiers. Ils font des glaces, des yaourts, des gâteaux, etc. Et il manquait de la viande à leur assortiment. Et donc, je ne sais plus si c'est eux qui m'ont contacté ou moi, mais soit on s'est rencontrés et j'ai trouvé là des blancs bleus belges, mais alors phénoménal. Mais je vous mets au défi, c'est parce que je n'ai pas pris de viande aujourd'hui, mais je vous mets. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur Facebook, j'ai posté une photo d'une côte à l'os de blancs bleus belges. J'ai eu 60 réponses en disant devinez de quelle race il s'agit. Tout le monde m'a dit au Brac, Charolais, tout ce que tu veux, toutes les races imaginables. Ce qu'on peut quand même dire, Thierry De Peut, je rappelle que vous êtes boucher, c'est que la blancs bleus belges, elle a quand même été imaginée pour rendre du muscle et pas le gras. Oui, le rendement. Mais c'est une race développée. Voilà, c'est comme je sais pas moi si on peut comparer avec les races de chiens. Voilà, il y a des chiens qui sont optimisés pour la garde, d'autres pour. Mais c'est une race à viande. Ça, on oublie un peu. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, énormément de pays dans le monde utilisent des blancs bleus pour croiser avec d'autres bêtes parce que c'est quand même pas une vache laitière, c'est une race à viande. Ce qui est le problème de la blanc bleu, c'est la dérive, c'est-à-dire cette dérive vers le taurillon, jeune, maigre, nourri à l'ancien âge. Mais c'est comme dans tout, on fait. c'est, on peut faire du canard bon marché en Hongrie, et on peut faire des bons canards fermiers par ici, enfin, voilà. Partout. Mais c'est la qualité de l'élevage et ce qu'on leur donne à manger, et l'âge qu'elles ont, la façon d'élevage qui compte beaucoup plus que la race en soi. On peut très bien faire une blanc-bleu belge tout à fait traditionnelle, bio, etc. Il y a pas de, ça pose pas de problème. D'accord, c'est cette donc, image globale de blanc-bleu belge qui est cassée depuis 4-5 ans. Oui, mais enfin, faut dire, les bouchers, la grande distribution n'a pas aidé à ce qu'on ait une autre image. Oui, parce non, que franchement, la plupart des blanc-bleu belges vendus oui, aujourd'hui, sont élevés industriellement, hein. C'est quand même très décevant. Donc, je connais pas de pourcentage, alors maintenant, mais... vous l'expliquez, il y a des démarches positives avec cette blanc-bleu belge qui se font. Enfin, le gros, c'est quand même. Mais pas non, sûr, non, quoi. Oui, bien sûr, 95% donc, ça, est élevé industriellement. Mais donc, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, les bouchers se sont endormis sur leur laurier et qu'aujourd'hui, il faut réinventer le métier. Il faut le réinventer parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres problématiques qui viennent se rajouter. On parle régulièrement des problèmes environnementaux, de ces élevages d'animaux, problèmes d'éthique aussi, hein, l'abattage. On parle régulièrement de ces abattoirs qui ne respectent pas le bien-être animal. Tout ça, vous l'avez compris. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais on l'a toujours fait. Oui. On n'a jamais changé. Mais votre papa, il ne pensait pas comme ça, lui. Mais il achetait déjà la ferme quand même sur pied, ouais. Et il abattait, il transportait lui-même, ce ouais. que je ne fais même plus. Enfin, c'est même mieux, parce que maintenant, c'est l'éleveur qui transporte sa bête ouais. vers l'abattoir. Mmh. On travaille quasiment exclusivement avec l'abattoir de Hatte, qui est un des derniers petits abattoirs locaux en Wallonie. Il en reste donc, mais donc vous savez d'où ça vient, ça c'est déjà bien. Ah oui, de toute façon. Ah ben j'achète oui. sur pied. Je paye pas, j'ai pas d'intermédiaire. Je paye pas ouais. le grossiste. Je paye toujours le fermier en direct. C'est lui-même qui l'a transporté, pas un transporteur où la bête se retrouve pendant 12 heures dans un camion avec des autres qu'elle ne connaît pas où elle s'énerve, etc. Mmh. Donc on a quand même un certain bien-être. Cet abattoir Hatte, c'est quand même un petit abattoir où ils sont conscients des problématiques de, justement, de bien-être, etc. Ils font attention à ce que les bêtes soient séparées, qu'il n'y ait pas de bagarre. Ils les abattent le plus vite possible. J'essaye toujours de passer soit en tout premier très tôt le matin, soit en dernier, en fin de chaîne, pour ne pas que les bêtes fassent, fassent du yo-yo et se bagarrent entre elles avant d'être abattues. Voilà, on est quand même conscient, et j'en parle beaucoup avec les gens de l'abattoir aussi. On essaye de remonter le niveau de la chaîne, de toute la chaîne. En fait, si on ne modifie pas notre rapport à la viande, que ce soit vous boucher ou nous consommateurs, on va droit dans le mur. C'est ça, en tout cas, ce que vous avez compris. Ça commence forcément à la ferme. Déjà, je vends que des bêtes nées dans l'exploitation, que des aliments fabriqués dans l'exploitation, pas d'ensilage, pas de maïs. Voilà, que du très très bon. Alors, vous faites partie de cette nouvelle école, de ces néo-butchers, hein, on en parle souvent, Hendrik Dirandonk en Belgique, on a Pierre Moll aussi chez nous, un boucher formidable, enfin, oui, des gens qui ont compris qu'il fallait faire bouger les choses. En France, on en a pas mal aussi, Marie de Bourdonnec, Hugo Desnoyers, etc. Ouais. Leur truc à eux, c'est d'aller directement chez l'éleveur, d'aller écumer les terroirs et de trouver ces races. Quelles sont aujourd'hui les races que vous aimez à mettre en évidence dans la boucherie ? Race de bœuf, par exemple. Ben, chez nous, ça change tout le temps, en fait. Oui. Toutes les semaines, pour pas dire tous les jours. Vu qu'on travaille avec des éleveurs en direct, c'est l'éleveur qui m'impose sa viande, en fait. Donc c'est l'éleveur qui me dit, cette semaine-ci, j'ai ça. Une vache... telle vache, enfin les éleveurs m'appellent quand même quelques semaines avant, mais me disent voilà, en ce moment, bientôt, dans deux semaines, je vais avoir telle vache, telle race qui est prête, quoi, qui est engraissée, qui est sur la finition. Alors voilà, donc je discute pas, moi j'achète tout ce quand vous dites elle est sur vient, la finition, mais... ça veut dire qu'elle a été engraissée. Elle est engraissée, ouais, en finition, voilà, en période d'engraissement. Voilà. Et donc on sait, voilà, un mois à l'avance, plus ou moins, la bête sera finie. Ce qu'on va avoir. Et moi je ne leur impose pas de l'engraisser plus vite pour l'avoir 15 jours avant ou de dire non, j'en ai pas besoin, attends 3 semaines. Non, elle est finie. Donc c'est le bon travail de l'éleveur qui prime avant tout pour moi. Et c'est mes clients qui doivent s'adapter. Et les clients donc suivent. Moi je mets dans le comptoir, ouais, ils n'ont pas le choix. Mmh. Et j'ai perdu beaucoup de clients depuis quelques années, ça c'est un fait. Parce pourquoi que, voilà, pourquoi ils attendaient quoi? Il y a des clients qui veulent leur steak toujours le même, la même couleur, la même race toutes les semaines. Mmh. Et ça moi je ne peux plus le faire du fait de la philosophie que j'ai choisi. Et je n'ai pas envie de faire marche arrière parce que j'en ai perdu quelques-uns, mais j'en ai gagné énormément de clients. Eh oui. Donc voilà, maintenant c'est ma façon de fonctionner. C'est intéressant ce que vous dites là Thierry, parce que nous on est là toujours à critiquer la grande distribution qui uniformise, etc. Mais il ne faut pas oublier, moi on n'a jamais peur. Mais il y a le consommateur derrière de qui critiquer achète. Aussi bien le sûr. Consommateur, c'est-à-dire que je pense que quelque part le consommateur qui s'est déconnecté avec la production, là on parle de bêtes, on parle de morts, on parle d'abattage, on ose dire qu'on mange des animaux morts, mais effectivement, et forcément quelque chose qui a été vivant et qui se retrouve dans notre assiette pour notre alimentation, eh bien il n'est pas toujours le même, il varie, il y aura peut-être un jour du gras, peut-être une aponevrose, peut-être un morceau... Moi c'est encore pire, c'est vraiment, mais jamais deux fois la même, quoi. Voilà, vraiment, exactement, jamais, mais il faut peut-être, et peut-être, et le bonheur... C'est impossible le bonheur d'avoir deux fois gustatif, le même steak chez moi. Oui, mais le bonheur gustatif, il est à ce prix, il est au prix de la variété, parce que la nature est variée. On dit souvent qu'une viande de qualité, elle a le gras, le bon gras. Vous confirmez ou pas ? Oui, tout à fait. Mais il en faut un petit peu, mais pas trop non plus. Mmh. C'est comme dans tout, il faut un juste milieu. Ouais. Il faut un peu de gras, sinon la viande est quand même un peu sèche. Et après, il ne faut pas exagérer non plus. Parfois, on voit des choses. On n'a pas toujours envie de manger du wagyu, non ? Ben voilà quoi. Parfois c'est un petit peu trop, quoi. On peut en manger 50 grammes une fois dans sa vie pour tester, pour pas mourir idiot. Mais bon, voilà, c'est pas ça qu'on mange tous les jours, hein. Faut pas rêver. Une petite réaction. Béatrice nous envoie un message. Elle est pas contente, Béatrice. Encore un samedi où, après s'être moquée de ceux qui mangent autre chose, on ne fait que faire la promotion de la viande. C'est ça pour vous, voir l'alimentation autrement. Alors, Béatrice, d'abord, on ne s'est pas moquée. On a jeté un regard. Au contraire, on a dit qu'on aimait ça. Un regard objectif sur des tendances culinaire et des tendances de pensée plutôt. Et concernant la promotion de la viande, on n'est pas là justement de faire la promotion de la viande, on est là de faire la promotion d'une viande autrement. C'est important de le dire parce que je pense que ce que Béatrice nous envoie là, de nombreux auditeurs se le disent, on n'est pas là de dire manger de la viande 5 jours ou 7 jours sur 7, on est là de dire faites un choix, mais mangez peut-être de la viande qui fait vivre des producteurs, qui permettent à des animaux d'être bien en pâture. C'est ça l'idée de cette émission. Et la réalité aussi qu'on peut dire à cette auditrice, que moi j'ai envie de remercier pour sa question, parce que c'est vraiment intéressant, c'est que la réalité, c'est que la plupart d'entre nous sont omnivores et que cet omnivorisme doit évoluer, mais qu'il doit évoluer, enfin en tout cas nous en sommes convaincus, à bientôt à table, vers une meilleure qualité respectueuse de l'environnement et des gens qui travaillent, mais aussi respectueuse du corps, en mangeant, certes, plus de légumes, plus de végétaux, quand on mange de la viande, en mangeant du bon. Mais sans eau osmosée, c'est ça ? Alors, l'eau osmosée, ça c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Moi, ce qui me touche dans le monde de la viande, dans la filière en général, parce qu'on parle beaucoup d'écologie quand même bien souvent, c'est aussi le fait justement la mort et de tuer un animal pour le manger. Ouais. Et moi, je crois, et tous les éleveurs avec qui je travaille, je commence quand même tous à bien les connaître, parce que ça devient forcément tous un peu des copains, ils élèvent des bêtes, en tout cas avec respect au minimum, mais bien souvent avec amour. Et ils peuvent très bien nourrir cette bête avec cœur et leur donner le meilleur qu'ils savent produire au niveau de la nourriture pour leur donner avec plaisir et avoir un pincement au cœur le jour où ils le conduisent eux-mêmes à l'abattoir. C'est le paradoxe de l'humanité, ça. Voilà, et le conduire avec un pincement au cœur à l'abattoir. Chaque éleveur a bien souvent des vaches fétiches, etc., qui n'a pas trop envie d'aller conduire à l'abattoir. Et malgré tout, voilà, et savoir qu'après derrière, il y a un boucher qui va travailler cette viande avec respect. Mais il me rachète bien souvent de la viande. Après, il n'y a presque pas un éleveur qui ne me rachète pas de la viande. Donc souvent, je dois leur redonner un steak ou deux de leur bête parce qu'ils ont envie de la manger. Et c'est un geste, c'est sans doute très primitif, ça c'est certain. Oui. Et c'est paradoxal. Ça m'interpelle, c'est paradoxal. Oui, c'est peut-être paradoxal. Patrick nous envoie un message. Ça peut se faire avec amour. Il nous dit avoir lu le dernier ouvrage d'Émeric Caron, Antispéciste. C'est une réflexion très, très, très intéressante sur notre rapport à l'animal, au fond, nous, en tant qu'humains, de quel droit on s'arroge le droit, justement, de les bouffer, de les tuer ? Est-ce qu'on n'est pas à une inégalité au niveau de la réflexion, de l'émotionnel ? C'est très, très intéressant. Et je peux vous dire, je suis carnivore aussi. Par exemple, me concernant, j'ai vraiment diminué ma consommation carnée, mais ce genre de réflexion contribue Je le partage avec vous. Antispéciste. Pour mettre le doigt là-dessus, il n'y a qu'à interroger les gens qui mangent la viande, les omnivores, sur leur rapport par rapport à la viande de cheval. Et là, vous verrez tout le paradoxe de l'humanité. Ouais. Le paradoxe qui est de dire certains animaux, on peut les manger, certains animaux, on ne peut pas. Et c'est ça la question que posent les antispécistes, qui est une question juste à poser. C'est, alors, quand on dit « Ah non, le cheval, ça, je ne peux pas, parce que le cheval est l'ami de l'homme. » Ben, la vache aussi. Voilà. Mmh. Après, poser la question, c'est ne pas y répondre aujourd'hui, mais c'est une question intéressante. Alors, on a pas mal de réactions d'auditeurs, parce qu'on a beau dire... Ne pas y répondre encore. Mais c'est très intéressant, parce qu'on a beau dire, on doit changer cette consommation de viande, il y a toujours des personnes qui se posent des questions. Toutes ces races que vous tentez de mettre en évidence, Thierry de Peut, je pense au Blanc d'Aquitaine, Aberdeen Angus, Montbéliard, toutes ces races dont on parle beaucoup dans cette émission, ça a un prix et tout le monde ne peut pas s'offrir forcément ces viandes. On peut aller quoi, 30, 40 euros du kilo et ça peut s'envoler quoi. La côte à l'os, oui, parce que tout le monde, il y a un petit peu la mode des viandes maturées, alors tout le monde veut manger de la côte à l'os maturée qui coûte intrinsèquement 50 euros le kilo. Mais moi, je vends tous mes steaks à 22, 24 euros le kilo de ces mêmes bêtes, c'est le même animal. Mais c'est juste des autres pièces qu'on a retravaillées, même des steaks hachés. 22, donc là où en grande surface, on est à 15, 16. Oui, tout à fait. Ouais, donc on est un petit peu plus élevé. Et c'est pas assez cher. C'est une autre problématique de la boucherie. Ouais. Mais c'est que la viande est sous-valorisée, mais gravement. Et c'est difficile d'expliquer aux gens que ce que moi je fais devrait coûter normalement le double du prix. Parce que si je veux payer mon éleveur qui gagne vraiment sa vie, et que moi je puisse payer mon personnel vraiment très bien et gagner ma vie, elle devrait être le double du prix dans grande surface. Et ça n'est pas le cas. Ça n'est pas... Alors Thierry Depeut, je rappelle que vous êtes boucher formidable. Table. Vous sévissez à Péroué, en province de Namur. Il y a beaucoup de choses qui se font... En province du Hainaut. Péroué, par contre, Péroué, oui, ça c'est en province de Namur, effectivement. Pas mal de questions sur nos races belges. Je me souviens qu'on avait reçu Hendrik Derenhonck il y a quelques mois, célèbre boucher qui ouvre d'ailleurs une enseigne à Bruxelles. Hein. Oui. Il a réhabilité, il a remis en circuit la rouge de Flandre, qui est une race qui a failli disparaître. On est dans la région du Westhoek, hein, à la côte. Est-ce qu'il y a des races belges que vous aimez travailler, Thierry de Peut? Il n'y a pas de race belge d'origine, justement, à part la rouge des Flandres, ouais, et la blanc-bleu. Mmh. Par contre, il y a beaucoup d'éleveurs belges ou wallons qui choisissent d'élever des races françaises, qui étaient françaises à la base, du Charolais, du Limousin, etc. Et ça, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est vraiment ma grande spécialité, parce que maintenant, je travaille avec plus de 20 éleveurs et 20 races différentes, et on en trouve vraiment des races même exotiques, Highland, Galloway, plein de choses en Belgique. C'est ça. Et de la Basadès, j'ai en Belgique, des Angus, tout plein. Et même autour de chez nous, pas tellement loin, il ne faut pas courir loin. Des Aubrac aussi, on en a aussi en Wallonie. Là, c'est dans la région de Libramont. Et j'ai de plus en plus d'éleveurs qui me contactent. J'ai encore eu deux coups de fil cette semaine d'éleveurs qui ont de mémoire des Limousines et je ne sais plus la deuxième race. Des salaires. Ils ont des salaires. J'étais même étonné parce que ça, j'ai du mal à en trouver comme race. Oui. Et donc, moi, je me spécialise vraiment dans le fait de tuer du belge, mais d'origine étrangère, donc de race étrangère, mais élevé chez nous. Mais donc, et ça, c'est un peu mon cheval de bataille et ma spécificité, je veux dire. La filière viandeuse belge évolue, donc ça, c'est bien. Il y a une nouvelle génération qui réhabilite ces... Non, vous faites un petit mot. Non, là. La filière n'évolue pas. La filière s'empire. La filière vous se êtes concentre. Quand même là ce matin, aujourd'hui. Oui, mais je représente quoi, 1% de la vente? Même pas. Non, la filière se concentre. La filière se concentre atrocement. On l'a vu récemment, on a parlé dans cette émission du label Bel Beef, qui était un label qui s'applique surtout à la grande distribution et qui, en fait, a été une simplification des cahiers des charges, de manière à ce que tout le monde puisse répondre au même cahier, qui nous a vendu amélioration du bien-être animal, amélioration de la nourriture, etc., et qui finalement est un petit peu de la poudre aux yeux pour nous vendre les mêmes choses. On voit juste un tout petit peu d'évolution dans certaines grandes surfaces, mais sinon globalement le gros du marché, ça reste le fameux Torillon. Le malheur à la base, c'est que je sais pas si c'est une conséquence ou une cause, mais tous les abattoirs qui étaient publics, c'était quand même éminemment une institution publique, les abattoirs sont tous privatisés maintenant quasiment. Et ce sont des groupes de plus financiers de plus en plus gros qui rachètent les abattoirs pour créer un monopole. En France, le monopole est déjà plus qu'acté. En Belgique, on y va. Mmh. Et on y va en courant. Et donc, on va se retrouver dans la situation de la France où on aura même, je pourrais plus amener moi les bêtes de mon petit éleveur du coin dans un abattoir du coin. Oui, mais quoi ? Et donc, parce qu'ils vont les fermer. Ils vont les racheter, les fermer. Ah oui, okay. Et les concentrer. Mais donc, votre vision, elle est très sombre pour les années à venir de cette filière viande belgique. Mais on se bat parce qu'on est convaincu et on est. Justement, on veut. Comment est-ce que vous pourriez convaincre? Je fais tout pour que ça n'arrive pas, mais je vois ce qui se passe, quoi, tout simplement. Je fais un constat. Vous pourriez convaincre nos auditeurs, là, qui sont à l'écoute, certainement affamés parce que l'heure du repas approche. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour dire changer peut-être vos habitudes? Ben, c'est un effort d'aller chez le boucher individuel plutôt qu'en grande surface, ou d'aller dans une boucherie à la ferme, ou dans une ruche qui dit oui, ou des choses comme ça. Ouais. Il faut commander à l'avance, il faut prendre sa voiture, il faut y aller, il faut se garer, et il faut faire ses courses. Il faut passer une demi-journée par semaine à faire ses courses pour manger du bon. Ouais. Et ça, c'est quand même un effort considérable pour le consommateur. Tout le monde n'a pas envie de le faire. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Et un petit peu d'argent. Et puis il faut cuisiner aussi. Ouais. Et un petit peu plus d'argent. Mais on peut en manger moins de meilleure qualité. Ça, quand même. Et pour ça, j'aime bien les initiatives genre Ruche qui dit oui. Parce que là, en faisant ses courses une seule fois par semaine, le consommateur a quand même accès à tout un panel de producteurs de qualité. Je trouve l'initiative sympathique. Maintenant, donc, on peut peut-être juste rappeler, Thierry de Peut, les ruches qui disent oui, on va utiliser le pluriel, c'est un système où on peut simplement commander via des sites internet, faire ses commandes auprès d'une série de petits producteurs locaux qui viennent livrer à un lieu dit une fois par semaine. Voilà, donc vous avez Et là, au lieu d'aller en grande surface, on peut aller là, juste, on se gare une seule fois, on a tous les producteurs et puis on peut aller directement chez le boucher. Et acheter de la qualité. Oui. Mais chez le boucher, c'est compliqué parce qu'il faut aller chez le boulanger, chez le maraîcher, chez le boulanger. Oui, mais ça fait partie peut-être d'un nouvel art de vivre aussi. Hein. On a été pendant des années, on met la voiture devant le supermarché, en 45 minutes top chrono, les courses sont faites. Il faut peut-être repenser aussi ce modèle-là. On est le samedi, on se branche d'office sur la première, mais après ça, c'est le luxe absolu, on peut se prendre une ou deux heures en famille et prendre le temps, tout simplement. Un petit peu de pub pour l'heure, et on se retrouve juste après Thierry de Peut avec peut-être une petite dégustation pour Carlo. Ça se passe sur la première. tout à l'heure à 19h. Afrique Hebdo, Rislaine Kunda. L'Europe vient d'adopter un accord de partenariat économique avec plusieurs pays d'Afrique, un accord purement commercial, dramatique pour les populations locales. C'est ce que dénonce l'eurodéputé Marie Arena. La Tunisie, face à une crise économique, sociale et sécuritaire, le nouveau gouvernement, le 7e en moins de 6 ans, doit relever de nombreux défis. Vous écouterez un reportage où les citoyens font eux-mêmes la loi. Afrique Hebdo, de 19h à 19h30 sur la première. Et 24h sur 24 sur RTBF Ovio. La première présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h. Info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Jaguar présente le Art of Performance Tour du 12 au 24 septembre. Réveillez vos sens avec un essai inoubliable. Installez-vous dans une Jaguar XE et laissez-vous surprendre par son confort, ses hautes performances et sa faible consommation. Temporairement à partir de 299€ par mois en leasing, 3 ans d'entretien inclus. Réservez vite votre essai inoubliable chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Vous avez un projet de construction ? TEPALM vous donne rendez-vous lors de son week-end portes ouvertes les 17 et 18 septembre de 13 à 18h, rue des Frondaisons à Flémal. Toute l'info sur TEPALM.be. Un overboard, ça peut être considéré comme un véhicule de société. Oui, hein ? Le progrès est passionnant, mais pas sans risque. Vivium Assurance, plus d'infos chez votre courtier. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Oh, mais je sais pas quoi choisir. Ouais, tout est super beau, quoi. Oh oui. Et toi, t'as pris quoi ? La chemise, le top ou le pull ? Sophie ? Mais t'es où ? Ici, je suis déjà à la caisse, hein, j'ai pris les trois. Maintenant, chez CA, 2 plus 1 gratuit sur tous les hauts dames. CA. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Prométhéa est la première présente, l'appel à projet Access 2017. Vous contribuez à l'accès à la culture pour tous ? Rentrez votre candidature avant le 16 octobre et tentez de décrocher un label Access ou le prix Boost. Plus d'infos sur access.be. access.be. 11h midi. Bientôt à table sur la première. Avec Sophie Mouns. 11h39, on a faim. On a faim, Carlo. Notre invité du jour, je le rappelle, la bouche est formidable. Il s'appelle Thierry Depeuilt. On le retrouve à Péroué, en province du Hainaut. Alors, on a pas mal de réactions d'auditeurs et on les comprend bien. Oui, mais où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Bah, donc, à Péroué, pour ce qui vous concerne, Thierry Depeuilt, vous faites des livraisons aussi? Oui, on livre tous les mercredis. Attendez, que je dise pas de bêtises, c'est mercredi ou jeudi, ça a changé. Ouais. Enfin, c'est jeudi sur Bruxelles. Mais on a une livraison par semaine sur Bruxelles. Et donc, chez les gens en direct, oui. Le site, c'est www.cotalos.com. C'est pas compliqué. Voilà, ouais. Sinon, il y a bien d'autres bouchers. Ce qu'on va faire, c'est qu'après l'émission, on va vous poster une série de superbes adresses partout en Belgique, depuis la mer jusqu'à Liège, en passant par Namur. Ah oui, il y en a à Liège, il y en a à Namur, il y en a partout. Maintenant, ça me revient, mais à Namur, il y a la boucherie bio, à Liège, il y a la ferme de l'arbre, il y a une très bonne boucherie, j'ai oublié son nom, on le trouvera à Ytre, où il y a de la viande maturée également. Enfin, voilà, il y en a plein. Il y a sur les marchés aussi, vous avez au marché du Cardinal Mercier à Jette, une très bonne boucherie des Flamands. On va tout poster sur nos réseaux sociaux et sur le site lapremière.be. Johanna nous parle de la ferme bio du Petit Sar qui produit une viande limousine bio à Grégoisseau. Et justement, vous travaillez avec ces gens. Elle en a sans doute eu hier, j'ai découpé moi avant hier. Voilà, et ça s'appelle la ferme bio du Petit Sar à Grégoisseau. Donc vous voyez, on se dit qu'il y a encore beaucoup de boulot, mais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font en très positif. Au niveau du porc, vous travaillez avec quoi, Thierry Depeuilt ? On a créé une coopérative dans la région de Jeanblou qui rassemble trois éleveurs qui s'appellent Porc sur Paille. Qu'on recevra dans quelques semaines d'ailleurs. Ah ben voilà. Ouais. Et donc ce sont des gens qui ont commencé a priori il y a à peu près 2 ans. Donc j'étais là tout au début, j'étais un des, je pense, le premier boucher partenaire. Mm-hmm. Je crois qu'on est maintenant 6 ou 8 bouchers à participer dans la coopérative. Et donc voilà, on a 3 éleveurs qui nous font des bons cochons. Et voilà, si vous recevez sans doute Jean-Philippe bientôt, il pourra vous en donner plus de détails, mais du bon cochon fermier tout simplement. Alors, pas mal de réactions d'auditeurs, beaucoup de personnes qui nous remercient pour cette manière de secouer les idées de pseudo-scientifiques concernant la détox. Carlo. Par contre, il y en a qui ne sont pas contents, mais ça fait aussi partie de notre job hein, sur la première bientôt. On les aime autant. C'est simplement d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Pas mal de questions d'auditeurs. Caroline nous dit avoir acheté un hachoir grâce à nous. Et oui, elle s'est dit, je vais hacher moi-même mes viandes. Pour faire un bon haché maison, pour par exemple une petite sauce bolo, qu'est-ce qu'elle doit mettre dedans comme morceau? Donc elle va aller chez son boucher, je l'espère, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle doit demander comme morceau de viande? Bon, si c'est les classiques, la viande hachée pour la bolognaise, je dirais 50% de bœuf, 50% de porc. Oui. On prend de la poitrine de porc pour que ce ne soit pas trop maigre non plus. Et en viande de bœuf, ça n'a pas trop d'importance si c'est pour hacher. Donc une viande carbonate, bouillie, ça peut être un peu gras aussi. Hein. On ça ne peut pas être de top qualité, on peut aller sur des bas morceaux. Non, c'est de toute façon des bas morceaux. Oui. Mais il peut y avoir un peu de gras aussi dans le bœuf, il n'y a pas que le porc, il y a l'exclusivité du bœuf. Et ayatollah? J'y suis, je fais mon ayatollah de la bolognaise, tant qu'à faire. Donc la bolo, le ragoût à la bolognaise, c'est 100% bœuf. Et justement avec une bonne carbonade, avec un peu de gras, vous mettez juste un peu de pancetta au départ. Mais simplement, c'est qu'un vrai ragoût à la bolognaise, il va falloir le faire cuire 6 à 8 heures pour que la viande donne vraiment son goût à la tomate. Alors, de nombreuses questions aussi sur la maturation des viandes. Vous faites partie de ces bouchers maturateurs. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais je trouve que c'est joli. Je sais pas. Moi, j'aime bien affineur. Affineur, voilà. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est comme un vin, il faut laisser le temps à la viande, le temps qu'elle se développe. C'est ça, en fait, l'idée. Mais moi, je n'ai pas choisi, à un moment donné, de faire de la maturation. Mmh. C'est le fait de choisir de vendre des vaches plus naturelles et plus âgées, bien souvent, qui oblige à faire de la maturation. Parce que la viande, allez, je vends en général des vaches qui ont en moyenne 5 ans, on va dire, par rapport à 3 ans, ce qu'on trouve ailleurs. Donc la viande est plus ferme à la base. Donc je dois la laisser reposer au grand minimum 2 semaines avant de la découper pour qu'elle s'attendrisse, en fait. Et donc c'est le processus naturel qu'on appelle maturation, on l'effet de mode, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de faire quand on travaille ce genre de viande, en fait. Thierry, j'ai une petite question. Moi, j'ai souvent entendu des bouchers dire on ne peut pas faire tout maturer, toutes les vaches, mais surtout on ne peut pas maturer également tous les morceaux. Donc il y a une différence entre faire rassir, comme vous venez de dire, 15 jours, tous les steaks, tout ce qui sort de la vache, et après la vraie maturation, c'est-à-dire, et ça, si, corrigez-moi si j'ai une bêtise, c'est plutôt la côte qu'on fait, c'est-à-dire maturation sur l'os. Il y a quelques autres morceaux. La vraie maturation. L'onglet, j'ai fait des tests, mais ce n'est pas convaincant. Oui. Le paleron, ça par contre, ça marche du tonnerre. D'accord. Le paleron, parce que il faut que les morceaux soient protégés, en fait. On est où, le paleron, pour nos auditeurs qui ne sont pas bouchés? Dans le quartier avant, c'est sur l'omoplate. C'est le creux de l'omoplate. Mais donc, ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, que cette opération de maturation... Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les viandes vendues, par exemple, globalement en supermarché, dans la plupart des bouchers, elles ont quoi, entre une semaine et 15 jours, minimum. Oui, c'est une bonne... La maturation va permettre à ce que quoi, le gras s'infiltre mieux, à diminuer les taux de collagène, à permettre à ce qu'elle soit plus souple, la viande. Ça va donner quoi dans l'assiette, une viande maturée et la même viande non maturée, qu'on comprenne bien? Le moindre steak qui dans le comptoir chez nous a toujours 3 semaines. Oui. Je découpe en général à 2 semaines, on laisse encore un petit peu reposer. Allez, entre 2, minimum 3 semaines en général, avant, pour toutes les pièces, même le pelé, les carbonades. Elles sont, donc ça, c'est ce qu'on appelle le repos en général, tout simplement, reposer 2 à 3 semaines. Et après, les pièces nobles comme la côte à l'os ou le paleron, là, on les remet en chambre de maturation et là, ils y restent encore 4 semaines. Mmh. Donc là, j'essaye toujours de vendre mes pièces entre 6 et 8 semaines, parce qu'au-delà, bon, ben voilà, il y a beaucoup de modes autour de la maturation où il faudrait tout maturer 6 mois. Pour moi, ce n'est pas vrai non plus, du moins. J'ai fait pas mal de tests, mais c'est non convaincant. Il y a un Québécois qui a fait une viande maturée d'un an. Oui, c'est le copain Marc, je connais bien. Ouais. C'est de la 2 ans même, il sort bientôt ça 2 ans pour Mais enfin, là on est dans le déni. Il reste plus rien de la viande. Non, c'est clair. On va lui dire pour le Super Bowl. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce sera peut-être notre dernière question, c'est que après. Pour vous en tant que boucher, la maturation c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, parce que vous perdez de la viande en fait. Ah non, moi c'est un outil. La maturation c'est un outil de travail pour que ma viande soit tendre et bonne. Ouais. C'est pas le plaisir de la faire sécher pour qu'elle soit plus chère, hein. Ça c'est surtout pas. Non, au contraire. Franchement, ça me rend un peu malade à chaque fois de devoir jeter de la viande et de voir tous les déchets qu'il y a quand on mature la viande. Ouais, parce qu'il y a des kilos et des kilos et des kilos qui partent. Faut enlever les poils. Mais donc, c'est une catastrophe. Ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est cette vague de bouchers affineurs. Parce que certains nous disent, oui, mais enfin, c'est encore un truc de bobo. Ben, je crois pas. De bobo riche, hein. de la nourriture fermentée, il y en a quand même dans tous les domaines. Les fromages ont toujours été fermentés. Et je crois que c'est quand même un mouvement de fond, je pense, mais tout le monde ne mangera pas de la viande naturelle tous les jours. C'est un produit gastronomique et il faut le considérer tel, comme tel et en manger une fois par mois. Jean-Pierre nous dit finalement, on a perdu cet usage des viandes affinées parce qu'il faut vendre vite. Ben oui, je crois c'est toujours la rentabilité qui a fait qu'on ne l'a plus fait. Ouais. Donc, faut juste continuer à le faire, faut pas le faire par mode. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déguster quelques belles charcuteries que vous nous avez apportées là, notamment la hâte levée, qui est une spécialité du Hainaut. Oui, bourrinage. Voilà. Mais on va aussi parler de quelque chose qui risque de vous faire moins plaisir, l'AFSCA. Vous avez eu déjà des soucis avec les contrôleurs de l'AFSCA, Thierry Depeut ? Des contrôles, oui. Ils sont trop pointilleux, votre Des PV, oui. Des amendes, non. Ouais. Des problèmes, jamais. Bon, des contrôleurs un peu plus capricieux que d'autres, ça, oui. Il faut leur faire manger de la hâte levée, alors. Tout se passe très bien, et tout est joli, et tout est rose et violette, c'est nickel, monsieur. Puis quand on reçoit le rapport, il y a un rapport de 4 pages derrière, où on vous retire tout des petits points de 1 point, mais finalement, je crois que c'est 90% qu'il faut avoir. Et j'étais à 87. Et du coup, sur le site de l'AFSCA, avec les résultats publics, j'avais plus que 2 étoiles, je crois, si mes souvenirs sont. Ah oui, ok. Et ça, c'est au moment où ils ont publié les premiers résultats publics. Il faut savoir que, par exemple, l'étiquetage est un des critères. Oui. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver sans plus tarder un reporter qui a enquêté dans les coulisses des petits producteurs de chez nous. On va le rejoindre. Bientôt à table, 11h midi sur la première, avec Sophie Mounce. Olivier Bailly avec nous, reporter au magazine Médor. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes fendu avec François Corbiot d'un dossier sur l'AFSCA, l'agence Tourisme Zéro. Voilà, c'est surtout bienvenue. Tout voilà. Une enquête finalement pour mieux comprendre les rouages de cette agence pour la sécurité alimentaire. Alors d'emblée, on va peut-être juste opérer un tout petit rappel, Olivier Bailly, sur la genèse de cette agence qui est apparue, qui a été créée au lendemain de la crise de la dioxine, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc elle est née au début de ce millénaire, avec au moment de la crise de la dioxine, une manière de répondre justement à la nécessité d'avoir un dispositif de contrôle de sécurité alimentaire en Belgique. Et du coup, on a créé l'AFSCA. Alors, vous l'expliquez dans ce dossier, à partir de 1999-2000, tout le dispositif de contrôle de sécurité alimentaire en Belgique va être revu de fond en comble. Et vous parlez d'une norme, la norme HACCP. Ça veut dire quoi ? Mais en fait, c'est une analyse et une gestion du risque et de l'identification des points critiques. Et ça permet du coup aux professions, notamment les bouchers, d'identifier des moments, des lieux de risque et de les contrôler. C'est extrêmement précis, contraignant, et ce principe vient en fait de la NASA, qui au moment d'envoyer des hommes dans l'espace voulait un programme de genre zéro risque pour la garantie de la sécurité des aliments des astronautes dans l'espace. Donc ils avaient mis ce dispositif en place. Et donc progressivement, l'industrie américaine l'a repris. Ensuite, ça a été les contrôles européens et ensuite l'AFSCA. Donc c'est vraiment le principe du risque zéro absolu qui dicte à un moment donné l'agence, en fait. Alors, a priori, en tant que consommateur, on peut se dire que c'est plutôt une très bonne chose pour nous. C'est une garantie d'avoir dans nos assiettes des produits au niveau de l'hygiène parfait. Sauf qu'aujourd'hui, on assiste à un double discours. On est très très content quand nos inspecteurs de l'AFSCA vont zioter dans un snack où on trouve de la viande avariée depuis 15 jours et des frigos pas nettoyés. On l'est moins lorsqu'il s'agit de contrôle chez nos petits producteurs. L'actualité, on en a beaucoup parlé ici sur la première, la tartorie il y a quelques semaines. Ouais. On attend les résultats d'ailleurs, la tartorie. Voilà. Donc, en fait, l'idée de la tartorie, c'était que avant, la tartorie originelle devait se retrouver dans des frigos. C'est ça. Qui est tout à fait pas du tout dans la recette traditionnelle. On a eu le cas du fromage de verre volé cru. José Munix a dû mettre clé sous porte parce que trop fatigué contrôles incessants. Il allait peut-être fermer quand même. Hein. Donc, il y a d'un côté, bravo l'AFSCA, et puis de l'autre, oui, mais enfin, ils veulent tuer nos producteurs. C'est un double discours là qu'on entend là. Oui, il y a un peu de AFSCA bashing malgré tout, parce qu'il y a certaines questions, par exemple typiquement la question de la tartorie, c'était une interpellation de la Fédération des boulangers qui devait se prononcer, et donc a demandé de l'AFSCA de se prononcer sur cette question, donc c'était pas de l'initiative de l'AFSCA, mais c'est clair que en fait tout le problème vient dans la notion du risque en fait, et du risque zéro, c'est à un moment donné, en effet on est tous contents d'avoir une alimentation sûre dans notre assiette, par contre l'AFSCA est c'est clairement pas une école du goût. Et donc, à un moment donné, c'est pas leur job. Non, c'est tout à fait pas leur job. Mais ils poussent le contrôle à un niveau tel que, et d'ailleurs, c'est une personne du comité scientifique qui le dit dans notre article, ça devient pour un petit producteur impossible, enfin, voilà, difficilement, de mettre en œuvre les recommandations. Donc, à un moment donné, sans doute faut-il peut-être un peu assouplir les règles, voilà, pour permettre à ce que les spécificités puissent s'exprimer tout de même. Olivier, c'est un peu le cas, ce qui s'était passé avec le brave José Munich, c'est qu'on lui a reproché un taux de listériose infime dans ses fromages de Herve, parce qu'on décide que départ ferme, le taux doit être zéro, alors que dans une grande surface, vous avez le droit d'avoir un produit en fin de vie qui a le droit d'être à 100. Et que ce soit 100 ou 0, de toute façon, il y a encore très très très très peu de risque de listériose. Et là, on a vraiment une très belle illustration de cette obsession du risque zéro. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, notamment François Corbiot s'est centré sur la listeria, et ça commence à être reconnu, on commence à envisager de faire deux listes dans des distincts produits qui sont susceptibles de développer la listeria et d'autres où la bactérie est décelée, mais on sait qu'elle ne se développera pas. De nouveau, on se retrouve dans quelque chose qui est extrêmement rigide, voire rigoureux, voire excessif, et donc tout l'enjeu est de savoir où mettre le curseur de la sécurité, et il paraît, en tout cas à la lecture de l'article et du travail de François, qu'on est vraiment dans une logique excessive et pour ne pas parler à un moment donné d'autres intérêts où on est plus dans des logiques alors de pouvoir avoir de la nourriture sûre pour l'exportation et donc de plus en plus formatée, c'est quelque chose de très spécifique et local. En même temps, toutes ces règles appliquées par l'AFSCA, avec peut-être un petit peu trop de zèle diront certains, sont des règles édictées par l'Europe, et l'Europe, on le sait, enfin en tout cas le sentiment que le consommateur peut en avoir, c'est que l'Europe est de plus en plus s'éloigne de plus en plus des petits producteurs et soutient peut-être la grosse industrie. C'est l'idée qu'on en a, hein, souvent. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est l'idée que le consommateur en a souvent. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut balancer un moment? C'est surtout ça l'idée. Oui, nous, on n'a pas été jusqu'à contrôler l'EFSA, donc l'Autorité européenne pour la sécurité alimentaire. On a simplement repris quelques constats qui avaient été notamment posés. Le 60% des experts scientifiques ont des liens directs ou indirects avec des entreprises. C'est sûr que là, on rentre au niveau européen, et ne soyons pas naïfs, il y a des lobbies agroalimentaires qui, à un moment donné, fonctionnent pour permettre, en tout cas, à leur business de se développer. Il est clair que a priori, l'Europe est en train d'édicter des règles qui se soucient peu des petits producteurs. Et je pense que c'est un constat aussi qui est partagé dans l'article par des gens du comité scientifique de l'AFSCA, donc c'est pas juste de l'AFSCA bashing. Laissons peut-être le mot de la fin à notre producteur. Vous êtes les mains et les pieds sur le terrain, vous êtes bouché. L'AFSCA, vous, d'après vous, qu'est-ce qui doit changer en 30 secondes? Mais que les ateliers soient propres et le matériel en ordre, ça, ce sont des choses normales. Par contre, nous faire produire de la nourriture stérile, outre le fait qu'on perd la notion de terroir, de goût, etc., c'est finalement le meilleur milieu pour créer, pour le meilleur, le produit devient le meilleur terroir pour que les bactéries pathogènes se développent. Où est-ce qu'on attrape les pires maladies? C'est à l'hôpital. Et c'est la même chose avec la nourriture. On va nous faire créer des produits stériles qui n'ont plus de goût, c'est vrai que... pour pouvoir, soi-disant, les exporter, ce qui, moi, ne m'intéresse pas du tout. Et finalement, ça va peut-être un jour rendre mes clients malades, allez savoir. Bon, ben ce sera le mot de la fin. Je rappelle qu'on retrouve ce dossier de l'agence Tout Risque Zéro dans le numéro qui vient de sortir de Médor, dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Olivier Bailly. Très bon samedi à vous. Également. Voilà, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. De bonnes choses. On va rester branché sur la première dans quelques instants. Transversal, il y sera question des métiers du vin. Vous savez, les foires du vin ont lieu en ce moment un petit peu partout dans le pays. Et à l'occasion des vendanges aussi, Dominique Delal et Julien Bader se sont rendus dans le Beaujolais en Bourgogne à la rencontre de ceux et celles qui font le vin, qui vivent le vin et qui en vivent aussi. C'est passionnant, c'est dans quelques minutes, juste après les infos, donc restez bien scotché. Et puis le grand oral à 13h15 recevra Jean-Michel Javot, interviewé par Béatrice Delvaux et Jean-Pierre Jacquemin, et voilà toute la crème de l'info de la première. Voilà, merci beaucoup Thierry Depeut, on mettra toutes les infos vous concernant sur le site la première

Les infos, Pierre-Yves Meugens. Bonjour à tous. C'est une première en Belgique. Un mineur d'âge a pu recourir à l'euthanasie cette semaine. Une première depuis que la loi a été adoptée chez nous il y a 2 ans. Les membres de la Commission fédérale sur l'euthanasie ont déjà été confrontés à plusieurs demandes pour mineurs, mais elles n'ont jamais été jusqu'au bout. Cette première euthanasie pourrait permettre au corps médical, aux patients et leurs proches d'en parler plus facilement. C'est l'avis de Justine Mermans, membre de la Commission euthanasie. Des médecins et des jeunes patients et leurs parents oseront peut-être plus librement en parler. Je dirais, enfin ce n'est pas le cas, ce n'est pas la première demande d'euthanasie qui existe pour des mineurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a demande d'euthanasie qu'il y a nécessairement euthanasie. Lorsque la loi a été votée, nous espérions qu'il y ait le moins de déclarations possibles. Mais que d'un autre côté, nous étions quelque peu étonnés de ne pas en recevoir jusqu'à présent. Un premier cas qui reste exceptionnel. Rares sont les patients à répondre aux différentes exigences de la loi. La Belgique est le seul pays au monde qui autorise l'euthanasie pour mineurs sans limite d'âge, contrairement par exemple aux Pays-Bas où l'euthanasie pour mineurs est autorisée, mais pas en dessous de 12 ans. Des concerts, des animations et des péqués aux quatre coins de la Wallonie. Les fêtes, les Wallos battent leur plein tout le week-end. Demandez le programme. Les activités folkloriques ont débuté ce matin à Namur. Un petit déjeuner des aînés en musique a lieu sur la place d'Armes. Le public pourra aussi jouer aux Walloniades d'ici 1 heure. Les Walloniades, ce sont ces joutes sportives et folkloriques sur la place Saint-Aubin. Côté musique, des groupes comme Canelis Braid, Charco et Aaron qui sont à l'affiche. Mais la Wallonie ne se fête pas qu'à Namur. Il y aura aussi des concerts à Liège, notamment avec Alice on the Roof et Overphonic. À la Louvière aussi et Mons. Les fêtes, certes, mais n'oublions pas les discours politiques. L'occasion de faire le point sur l'état de la Wallonie. Des discours de rentrée ont lieu un peu partout. La trêve en Syrie est de plus en plus menacée. Elle ne tiendra pas. Ce sont les mots d'un chef rebelle à Alep. Moscou et Washington ont décidé de prolonger le cessez-le-feu précaire. Ils prévoient l'acheminement d'aide humanitaire dans les quartiers orientaux d'Alep, tenus par les insurgés, et puis dans d'autres localités aussi assiégées par les forces pro-gouvernementales. Mais aucun convoi n'est encore arrivé à destination. Vladimir Poutine, qui soutient le régime syrien, accuse les rebelles d'en profiter pour se regrouper, alors que selon lui, les armées russes et syriennes respectent la trêve. L'Iran choisit le client d'Asghar Farhadi pour le représenter aux Oscars en 2017, on parle bien sûr de cinéma. Au dernier festival de Cannes, le film a été récompensé 2 fois par le jury, avec le prix du meilleur rôle masculin décerné à Shahab Hosseini et celui du meilleur scénario. Le client est à l'écran dans 41 salles de cinéma en Iran depuis le 31 août. En 2 semaines, le film a enregistré des recettes d'un montant d'1,5 million de dollars, ce qui constitue un des meilleurs résultats de l'histoire du cinéma iranien. Farhadi avait reçu l'Ours d'Or à Berlin en 2011 pour une séparation, puis l'Oscar du meilleur film étranger pour le même film. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Bel après-midi. Toute l'info est sur rtbf.be. Ça se passe sur la première. Demain à 9h, les Belges du bout du monde avec Adrien Jouvenot. Ici Léo Thune. Pour ce dimanche sans voiture, je vous donne rendez-vous dans le pays du monde où il y a le plus de bicyclettes, la Chine bien sûr. Avec Morgane Telles, Evelyne Latave et Adrien Jouvenot. Ce 18 septembre sur la première. Les Belges du bout du monde. Le dimanche de 9h à 10h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Слава народу победителю. J'entame cette nouvelle année plein d'espoir. I will do everything in my power to Ce sera incontestablement le ballon du centre droit. L'acte d'accusation est lourd. Mettez de l'ordre dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre. La première. Midi 13h le samedi. Transversal. Avec Olivier Nederland. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Excellent week-end et bienvenue pour cette dégustation. Oui, nous allons sentir des arômes et déguster un verre de vin ce midi, à l'heure de l'apéro, à l'heure des foires au vin un peu partout en grande surface pour l'instant, à l'heure aussi des vendanges. Nous allons nous intéresser aux métiers du vin et à leur importance. Du vigneron à l'œnologue, reportage en Bourgogne et dans le Beaujolais dans quelques instants. Nous irons également à New York à l'occasion des Journées du patrimoine en région bruxelloise parce que nous allons nous pencher sur un patrimoine